Acte 3. La chambre d'Yvonne, même décor qu'au premier acte. Il fait sombre. On lèvera la lumière peu à peu, comme il arrive lorsque l'œil s'habitue dans le noir. Léo, Georges. Léo à Georges qui entre par le fond à gauche. C'est pareil? C'est pareil. J'aime mieux ne pas rentrer chez moi. Je n'emmène pas large. Je risquerais de vous donner le même spectacle. Impossible de rester dans ma chambre, dit Léo. La porte de communication entre ma chambre et celle de Mick a beau être condamnée, je n'entends pas moins gémir et frapper du poing par terre. Et en plus, dans ma chambre, moi qui ne suis pas comme vous, moi qui suis équilibré, je me sens au bout du monde, loin de je ne sais quoi qui se passe, et qui se passe chez Yvonne. Si je déraille, c'est le bouquet. Georges, on étouffe. Léo. Yvonne est avec Michel? Georges, impossible d'en sortir une phrase. Je ne le croyais pas capable d'une douleur aussi bestiale. Quand je pense au contrôle qu'il faut que j'observe, à cette espèce de rage au cœur qui n'arrête pas. Oh! C'est la première fois qu'il est, mais qu'il souffre. À ceux qui savent se dominer ont l'air moins à plat, naturellement. Georges, personne au monde n'est capable de te comprendre et de te plaindre plus que moi, mais je me refuse à comparer ta peine, si dure soit-elle, à celle de cet enfant qui ne possède aucune expérience du malheur et qui, du jour au lendemain, il y a Yvonne! Voyons, Georges. Oui, il a Yvonne. Il ne lui dit rien, mais il se serre contre elle, c'est instinctif. Et Yvonne triomphe. Elle l'a retrouvé. Elle a retrouvé son fils. Elle n'a que ce mot dans la bouche. Et moi? Moi qui ai vidé mon cœur, qui ai fait cet effort de lui raconter tout, de me ridiculiser. C'est à peine si elle s'est rendue compte de ce que cette histoire avait d'incroyable. Elle n'a pour ainsi dire pas marqué de surprise. Elle ne pensait qu'à Michel, qu'au danger que Michel puisse apprendre quelque chose, qu'à la prudence qu'il faudrait avoir. En ce qui me concerne, elle prenait un air vague et répétait « C'est ta punition, mon pauvre Georges, c'est ta punition et je ne suis pas seul. » Et voilà l'Yvonne que je retrouve, qui me retrouve, qui m'aide à tenir le coup. Léo. Que cette histoire ne la bouleverse pas, il fallait s'y attendre. Qu'un père et qu'un fils rencontrent chacun de son côté une jeune personne et jouent à cache-cache sans le savoir, ce doit être une chose assez fréquente dans la Lune. Quant à la punition, Yvonne n'a peut-être pas tort. Ah, par exemple, punition? Punition de quoi? Georges, je suis resté seul avec cette petite après votre départ. Nous avons parlé, autant que son état le lui permettait, bien entendu. Et alors? Georges, ce que tu as fait est atroce. Répète, je répète, Georges, ce que tu as fait est atroce. Comment ce que j'ai fait? Léo, c'est toi, toi qui m'as dicté ma conduite, qui as inventé tout, construit la machine, pièce par pièce. Ah! Je te conseille de ne jamais répéter ce que tu viens de dire. De ne jamais te le répéter. De ne jamais te répéter. Serais-tu sans âme qui vit quelque chose qui ressemble à ce que tu viens de dire? C'est incroyable! Ton incroyable! Je l'ai entendu prononcer par cette petite. Ce que j'entendais et ce que je voyais ici, je ne le voyais plus. Je ne l'entendais plus. Déformé par votre clair de lune. Il allonge les ombres. Il enchante les objets. Et j'en ai été victime, je l'avoue. Je n'attachais aucune réalité à votre histoire, qui se présentait d'elle-même d'une manière assez irréelle. Et je ne te surprendrai pas en t'avouant que j'avais aussi peu de confiance en ton goût qu'en celui de Michel pour le choix d'une femme. Votre jeune fille devait être une roublarde qui vous menait par le bout du nez. Je me suis trompé, je m'en excuse. Madeleine t'a eu. Oh non, mon brave Georges, non, Madeleine ne m'a pas eu. Elle n'avait pas à m'avoir. Elle est une enfant, une malheureuse enfant. C'est superbe, cette jeune personne me trompe avec Michel, elle trompe Michel avec... Tu ne vas pas croire aux fantômes que tu as inventés, que nous avons, que tu as inventés. Georges, c'est bon, que j'ai inventé. Mais du reste, ma brave Léo, peut-être ne l'avons-nous inventé ni l'un ni l'autre, une femme qui peut... Georges, tu ne vas pas te mettre à croire c'est infamie, maintenant qu'elle t'arrange. Superbe, superbe, voilà qu'on canonise Madeleine. Madeleine est une sainte, elle est jeune, elle aime Michel, elle t'aime bien, mon vieux Georges. Il faut t'en prendre ton parti, et tout à coup... Où il m'est apparu que nous étions allés chez cette petite fille neuve, avec nos vieilles habitudes, notre égoïsme, nos manies, nos préjugés, nos amertumes, nos rancœurs, pour mettre à sac de la jeunesse, de la joie, de l'avenir, de l'ordre. C'est par l'ordre qu'elle t'a eu. Georges, finiras-tu par comprendre qu'il ne s'agit pas de m'avoir ou de ne pas m'avoir, il s'agit de réparer le mal que j'ai fait. Ah! L'énervement me pousse à dire n'importe quoi. J'ai voulu dire qu'il s'agit, coûte que coûte, de réparer le mal que vous avez fait, que nous avons fait, que la pauvre Yvonne a fait, sans se rendre compte. Revenir sur la journée d'hier n'y compte pas, ma bonne. Jamais. Fais ce sacrifice. Il est indispensable de se sacrifier quelquefois. C'est l'hygiène de l'âme. Il le faut. Je constate que tu adoptes le style d'Yvonne. Ne plaisante pas. Je dois te convaincre et tu dois convaincre Yvonne. Il faut que tu payes. Il faut qu'elle paye. Hey, toi, c'est inouï! Tu te dresses comme un juge et tu veux faire payer tout le monde. Est-ce que tu te sacrifies dans cette sale histoire? Est-ce que tu te sacrifies le moins du monde? C'est chose faite. C'est chose faite. Comment? Je veux dire, sais-tu si je n'ai pas eu mon sacrifice et si je n'ai pas acheté le droit de vous conseiller le vôtre? De quel sacrifice parles-tu? Je serais curieux de le connaître. Je t'aimais, Georges. Sais-tu si je ne t'aime pas encore? J'ai cru que je me sacrifiais à ton bonheur, je me suis trompé. Cette fois, je ne me trompe pas. Il est impossible de sacrifier cette petite Michel à une espèce de confort abject. Georges, il veut prendre la main de Léo. Léo, ah! Pas d'attendrissement, surtout. Des attendrissements, des remerciements. Je m'en passe. Non, il faut, Georges, il faut convaincre Yvonne. Et moi, oh, je ne te fais pas l'injure de croire que tu n'es pas convaincu. Tu prétends introduire Madeleine ici. C'est indispensable. Mais, ma pauvre Léonie, en admettant que je consente à m'imposer le supplice de ses amoureux, Yvonne, elle, refusera net, elle criera, elle menacera, elle a retrouvé son mic. Essaye de lui reprendre. Elle a retrouvé une loque. Elle s'en apercevra vite. Elle l'aimerait mieux à elle mort que vivant dans d'autres mains. Si c'est vrai, tu agiras. Je te connais. Tu t'élèveras instinctivement contre une attitude inhumaine, immonde. Immonde! Ce n'est pas parce qu'on traîne des tas qu'il ne faut pas essayer de réagir. Et que dirons-nous à Michel? C'est très simple, comme Madeleine a été sublime, et nous serons bien près d'être exacts, qu'elle a inventé ce numéro 3 pour le rendre libre, pour le restituer à sa famille, à son milieu. Sic! Il n'en adorera que davantage. Elle le mérite. Je ne te savais pas ces trésors de cœur. Mon cœur ne servait à rien. C'est le moment qu'il serve. J'aime Michel. C'est ton fils. Et tu aimes Yvonne, Léo. Léo, n'est-ce pas contre elle que tu te dépenses et que tu agis? Ne fouille pas trop le cœur, Georges. Il est mauvais de fouiller trop le cœur. Il y a de tout dans le cœur. Ne fouille pas trop dans mon cœur, ni dans le tien. Nous allons encore ressembler à des girouettes. Se contredire, Georges, mais quel luxe, c'est mon désordre à moi. Laisse-le-moi, la famille, une épave de famille, une épave de bourgeoisie, une épave de morale inflexible, une épave de ligne droite. Tout peut bien crouler sous ce tank aveugle, sous le passage de cette force idiote. Chance, rêve, espoir, rien ne trouve grâce. Profitons d'être une épave, mon cher Georges. Contournons, contournons, et suivons notre chemin sans empêcher les autres de suivre le leur. Léo, je crois que tu as raison. Georges, je t'aime. Yvonne, Léo, Georges. Sur les derniers mots, la porte s'ouvre et Yvonne entre, vêtue du peignoir éponge du premier acte, les cheveux décoiffés. Georges, nous t'attendions ici, nous espérions que seul avec toi, il aurait été une détente. Léo l'entendait gémir à travers la porte. C'est infernal. T'as parlé? Non. Il me serrait la main à me la broyer, j'ai retiré ma main, j'ai voulu lui caresser les cheveux et je lui ai demandé bêtement s'il avait soif. Il m'a dit, va-t'en. Je me suis levé, j'espérais qu'il me rappellerait, qu'il m'empêcherait de sortir. Je restais debout devant la porte. Il m'a répété, va-t'en. C'est infernal. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ben, j'irai bien. S'il me chasse, c'est qu'il ne supporterait personne. Je l'avais supplié de se mettre au lit. Il m'a répondu en donnant des coups de poing par terre. Il est à plat ventre dans le noir. Léo, il a fermé ses persiennes? Yvonne, ses persiennes, ses rideaux, il se roule, il mord ses manches. C'est infernal. Il vaut mieux le laisser seul, ce n'est pas de la dureté, pauvre Mick. Il me broyait la main et me la collait contre sa joumette. Il souffre de la peine affreuse qu'il me cause. Son va-t'en était le va-t'en de quelqu'un qui ne veut pas qu'on le plaigne, qu'on le touche, qu'on le regarde. Léo, il est à vif, Yvonne. Ah, si cette femme n'était pas une grue, je l'appellerais, je la lui donnerais. Voilà où j'en arrive. C'est facile à dire maintenant. Non, Léo, ce n'est pas facile à dire. Pour que je le dise, il faut que je sois à bout. Tu la lui donnerais. N'importe quoi, oui, je pense que oui, je n'en peux plus. Eh bien, Yvonne, c'est cette phrase que je voulais que tu prononces. Je ne voulais pas la dire la première, ni que Georges t'oblige à la dire. Parle, Georges. Encore des paroles. Non, Yvonne, je ne sais pas si tu comptes comme de simples paroles l'aveu que je t'ai fait, mais cette fois, c'est beaucoup plus grave. Je ne vois pas ce qui peut être plus grave que le point où nous en sommes. C'est plus grave si ce point où nous en sommes est le résultat d'un crime. Et si je me trouvais être le criminel? Toi, Yvonne, Madeleine est innocente. Le mystérieux individu n'existe pas. Je comprends mal. Georges donnant la parole à Léo. Léo, Léo, je suis resté seul avec la petite hier. Yvonne, elle t'a roulé! Ah, quelle innocente! Et Georges, de victime, est devenu criminel. Georges, laisse Léo. Il est préférable que je m'accuse en bloc. Voilà, Yvonne. J'ai joué un triste personnage. J'ai forcé cette pauvre petite à mentir, à se salir. Je lui ai soufflé son rôle, l'individu et de moi. J'ai profité de ce que Michel est crédule et de ce que Madeleine mourait de peur. C'est effrayant. Tu as fait cela? Je l'ai fait, je le jure. Mais Georges, tu pouvais tuer Michel? Ah, il n'en vaut guère mieux. C'est pourquoi je parle de crime, mais je risquais de tuer Madeleine en arrivant à l'improviste. Et après l'avoir jetée dans l'état que vous avez pris pour du trac, j'ai profité du tête-à-tête que tu exigeais et je l'ai achevé. C'est du beau travail. C'est même ma meilleure invention, la seule de mes inventions qui marchait. Et j'en étais fier. Il a fallu Léo pour me mettre le nez dans mon ordure. Oh, Georges, Georges, je dois être franche. Sans moi, Georges, sans toi, je continuais. Assez sur ce chapitre. Non, Léo. Je prétends prendre aujourd'hui toutes mes responsabilités, les prendre seul. C'est à croire que cette roulotte, comme vous dites, exerce un charme. À Yvonne qui l'embrasse. Le charme d'Yvonne et nous rend sourds et aveugles. Nous en parlions avec Léo avant que tu n'entres. C'est pourquoi ta phrase, si cette femme n'était pas une grue, nous a ôté un poids. Je craignais, je l'avoue, d'avoir à combattre. Yvonne, Georges, ne sois pas absurde. Tu es dans une crise de sublime, de confession et de sacrifice. Léo est trop équilibré pour ne pas me comprendre. Méfie-toi, mon bon ami, c'est toi qui rêves debout. Voyons, voyons. C'est à moi, la somnambule extralucide, la tireuse de cartes de cette roulotte d'y voir clair. Ce qui est fait, est fait. Michel, ni cette jeune femme ne sont morts. Ils traversent une crise, comme toi, comme nous tous. La sagesse consiste à crier ouf, parce que rien n'est arrivé de ce que l'on pouvait craindre et à profiter de nos chances. Georges, nos chances? Quelle chance! Est-ce que tu te rends compte des mots que tu emploies? J'emploie les mots qui me viennent, les mots naturels. Je suis une mère qui aime son fils et qui soigne ses blessures. Je ne suis pas sublime, le moins du moins. Ah non! J'estime que tu as peut-être eu tort, c'est possible, mais que dans l'ensemble, nous avons eu la chance, oui, la chance d'en sortir sain et sauf. Il n'y a pas 5 minutes que tu disais d'une voix mourante, c'est infernal, j'en peux plus. C'est justement parce que c'est infernal, parce que je n'en peux plus, que je retrouve des forces pour crier halte. Quand vous voulez que ce qui était fini, classé, se remette en marche, je répète, moi, l'idiote du village, qu'il faut profiter des chances d'une malheureuse histoire sur laquelle vous ne pouvez plus revenir. Léo. Mais Yvonne, de quelle chance parles-tu? Yvonne, eh bien, par exemple, c'est une chance que le vieux ait été Georges. Ah ben, Georges, merci beaucoup. Yvonne, parce que si le vieux avait été un autre, un vrai autre, je connais Georges, je te connais, tu te serais laissé attendrir et tu aurais manqué de poigne. De poigne? Je me vengeais bassement et je me donnais l'excuse de te rendre service, de suivre tes ordres. Léo, ma chère Yvonne, il me semble que vous vous comprenez mal et que ton point de vue échappe à Georges. Georges, je ne comprends pas mal, je ne comprends rien du tout. Léo, vous voyez. À Georges, Yvonne, si je ne me trompe, trouve que malgré la casse, c'est une chance que Michel croie ce mariage impossible. Yvonne, mais Léo, une seconde. Et Georges, je te prouve, lui, qu'il ne se présente plus le moindre obstacle. Yvonne, obstacle à quoi? Georges, aucun obstacle à l'amour de Michel et de Madeleine. Yvonne, tu dis, Georges, je dis que nous avons failli tuer ces enfants par égoïsme et qu'il est urgent de les faire revivre. Voilà ce que je dis, Yvonne. Et c'est toi, toi, Yvonne. C'est le moment de se dire la vérité vraie. Je n'ai jamais eu grand-chose de Madeleine. Si, pour être juste, une véritable tendresse. Et je me montais le cou, et je m'arrangeais et je me refusais d'admettre sa franchise. Je l'obligeais à traîner le poids d'un pauvre mensonge qu'elle ne demandait qu'à ne plus me faire. Cette idylle lamentable ne prendrait forme, hélas, que si Michel apprenait, Yvonne, quelle horreur! Georges, là-dessus, nous sommes d'accord, Léo. Et vous allez l'être sur le reste, Yvonne. Georges, tu penses, vous pensez, Léo et toi, sérieusement, tranquillement, que cette personne pourrait porter notre nom, entrer dans notre milieu. Georges, ton grand-père collectionnait les points et virgules. Le sien était relieur. Je trouve, ma chère Yvonne, Yvonne, je ne plaisante pas et je te demande, Georges, ne me demande pas d'envisager sans rire des absurdités pareilles. Un nom, un milieu. As-tu regardé d'en haut une salle de théâtre? Tous ces gens ne se connaissent pas et chacun possède un milieu et croit que c'est le seul qui compte. Il y avait peut-être des milieux, mais il n'y en a plus. Yvonne, nos familles existent. Georges, à t'entendre, on nous croirait sortis de la cuisse de Jupiter. Je suis un inventeur de seconde main, un raté. Toi, une malade qui vit dans l'ombre, Léo reste une vieille fille pour nous venir en aide, et c'est au nom de tout cela, de tout ce désastre, de tout ce vide, de tout ce déséquilibre que tu refuserais à Michel la réussite, l'air, l'espoir. Ah non, non, non, je m'y oppose. Léo, bravo, Georges. Yvonne, naturellement. Georges est un dieu. Il est infaillible. Je l'admire. Dis plutôt que tu l'aimes. Yvonne, mariez-vous, mariez-les. Moi, je disparaîtrai. Je vous laisserai la place libre. Rien de plus simple. Mais tu deviens folle. Oui, Léo. Oui, je deviens folle. Il ne faut pas m'en vouloir. Je ne t'en veux pas. Mais merci. Je te demande pardon. Léo, voilà les merci. Et les pardons qui recommencent. Rayons-les de notre liste. Écoute-moi, Yvonne. Si j'avais vraiment voulu, Georges, je ne t'aurais pas laissé le prendre, j'aurais trouvé quelque chose. C'est trop tard pour revenir là-dessus. Il ne nous reste qu'un moyen de rattraper nos ruines, c'est d'empêcher celle de Mick, c'est d'écouter Georges, c'est d'éclairer Mick, c'est de lui rendre la vie. Hein? Est-ce la vie? Sans aucun doute, du reste. Tu ne pourrais plus supporter maintenant l'état où Michel se trouve. Tu le supportais tant que tu avais une excuse. Pourquoi tarder, Yvonne? De toute façon, cette petite est beaucoup trop jeune. Hein? Elle a 3 ans de plus que Michel. Hier, tu la trouvais trop vieille. Elle est trop jeune, par rapport à moi. C'est énorme. Vous me demandez l'impossible. On l'a demandé à cette petite. Elle l'a fait. Tu luttes contre toi avec de vieilles armes. J'ai retrouvé Mick, je ne veux pas le reperdre. Georges, tu ne retrouveras Michel qu'en lui donnant Madeleine. Le Michel que tu crois avoir retrouvé habite les limbes. Non seulement tu risques de te faire haïr, mais même si nous lui laissions croire que Madeleine le trompe, ce qui serait abominable, ce à quoi je me refuse. Une part de lui douterait et vivrait auprès d'elle. Tu ne bénéficierais pas de ton crime, Léo. En somme, si je comprends bien, ton idéal serait d'avoir un fils infirme pour qu'il ne quitte pas la maison. Yvonne, elle se brise et fond en larmes. C'est trop pour moi. Georges, rien n'est trop quand on aime. Tu aimes Michel, songe à sa gratitude. Quand tu lui apprendras que Madeleine avait menti par héroïsme. Georges, il ne demande qu'à le croire. Au lieu de cette fête et de cette gratitude, tu nous vois avec un Michel amer, Léo, qui épousera par amertume une de ces jeunes filles niaises et laides qui attendent le malheur sur une chaise de bal. Georges, Yvonne, laisse-toi briser. Ouvre-toi en deux, montre ton cœur. Yvonne, elle se dégage, se met à genoux sur le lit et elle a un sursaut de révolte. Laissez-moi! Laissez-moi! Ne vous hissez pas sur un piédestal! Vous n'en êtes pas plus digne que moi après tout! Mensonge! Mensonge! Mensonge! Essayez donc de sortir de vos mensonges! À Georges, hier, en arrivant chez cette femme, je me rappelle, tu as été jusqu'à faire semblant de te tromper d'étage, de ne pas savoir son étage. J'ai été roulé, j'ai été votre dupe, vous vous êtes ligué contre moi, tu as osé me conduire chez ta maîtresse. Georges, tais-toi! Yvonne, chez ta maîtresse! Georges, tais-toi! Tu perds la tête, veux-tu que cet enfant t'entende? Ah, je me défendrai! Tu te défends contre toi et à tort et à travers. Mets-toi en ordre! Et si j'y tiens, moi, mon désordre, c'est le nôtre! Yvonne, il y a des minutes où l'on sent qu'on peut racheter tout, se sauver et sauver les autres. Yvonne, ma chérie, accepte, imite-moi. Convoquer encore cet enfant, retourner chez cette femme, s'humilier. Mais lâche donc cet orgueil absurde. Il ne s'agit plus de convoquer Michel et de lui parler du bureau de son père. Il s'agit de courir jusqu'à sa chambre, de l'embrasser, de le miraculer, Léo. Et quant à Madeleine, je m'en suis chargé. Je m'en suis chargé à mes périls et risques. Yvonne, droit sur Léo. Léo! De quoi te mêles-tu? Qu'est-ce que tu as fait, Léo? Mon devoir. J'ai parlé, j'ai écouté, j'ai consolé, j'ai même téléphoné. Yvonne, tu lui as téléphoné, Léo, de venir. Léo entre dans sa chambre. Les mêmes plus Michel. Michel. Il apparaît et laisse la porte entrouverte. Il a une sale tête et les yeux rouges, presque fermés. Sophie, c'est moi. Yvonne, eh bien, entre, ferme tes portes. Pourquoi tes portes? Je ferme, je ferme. Je ne voulais qu'entrer et sortir, je cherchais le sucre. Tu sais où il est? Oui, tu es seul, mon pauvre chéri. Tu ne vois donc pas ta tante et ton père? Oh, pardon, Léo, pardon, papa. Je n'y vois plus à 1 mètre. Je vous dérange? Il entre dans le cabinet de toilette et revient en mangeant du sucre. Tu nous déranges si peu que ta mère voulait aller te chercher. Du reste, je voulais. J'avais à te parler, maman, et puisque. Ce que j'ai à te dire, j'aurai à le dire après à papa et à Léo. Je profite de ce que vous êtes tous ensemble. D'abord, Sophie, je m'excuse de t'avoir renvoyé de ma chambre, de t'avoir dit de t'en aller. Je me dégoûtais. Je ne tenais pas. Enfin, tu comprends. Oh, j'ai très bien compris, mon pauvre Mick. Je ne suis pas à plaindre. Qu'est-ce que tu voulais nous apprendre? Voilà, je ne compte pas vivre à plat ventre par terre alors. Papa, cette place au Maroc, tu m'avais affirmé que si je me décidais, Yvonne, tu me quitterais! Michel, c'est décidé. Yvonne, Mick! Michel, oh Sophie, je ne peux plus être d'un voisinage bien agréable et même, je risque de vous infecter, de vous rendre tous malades. Tu es fou! Un fou! Je le deviendrai à Paris. Il est impossible que j'y reste. Il est impossible que je reste à la maison et Je ne quitterai pas la maison pour une autre, j'aimerais partir loin et très vite je travaillerai. Je suis un touche-à-tout, un bon à rien. Le suicide me dégoûte, il est indispensable de changer d'air, de voir du neuf. L'Europe. Il fait un geste d'adieu, Yvonne. Et moi? Et nous? Oh, Sophie, donne-moi la main, écoute, Mick, écoute-moi, lève la tête. Et si tu n'avais plus à partir? Genre, si nous t'annoncions par exemple une bonne nouvelle. Il ne peut plus y avoir de bonnes nouvelles pour moi. Léo, cela dépend. Si ce qui motive ta fuite, ton départ, disparaissait, Yvonne, si tu n'avais plus, pour nous quitter, pour mépriser l'Europe, les mêmes motifs. Laisse, Sophie, je retourne dans ma chambre. Papa, non, Michel, ne retourne pas dans ta chambre et ne me demande pas que je m'occupe de ce poste. Tu m'avais promis, Mick, je t'annonce, moi, une nouvelle, une très grosse et très bonne nouvelle. Madeleine, qu'on ne me parle plus d'elle, qu'on ne me parle plus de cette personne, jamais, jamais, qu'on ne me touche plus à cet endroit-là. Vous voyez bien que je suis à vif, taisez-vous! Léo, Michel, écoute ton père. Je défends qu'on recommence, je défends qu'on me parle de cette personne, entendez-vous? Georges, il l'empêche de passer. Il faut que je te parle d'elle. Je n'écouterai pas, j'en ai assez. Il frappe du pied contre le lit. Ah, ne donne pas de coup de pied dans le lit de ta mère, s'il te plaît. Ta mère est malade. Et d'abord, parle plus bas. Comme voulez-vous. Ta tante est rentrée après nous tous hier, cette visite. Vous essayez de me convaincre de rester à Paris en inventant des mensonges. Vous essayez de retarder ma décision. Ne vous donnez pas tant de mal. Ma décision est prise. Yvonne, tu ne partiras pas. Michel, vous voyez, Georges, tu ne partiras pas parce que ce serait un crime de partir. Un crime? Quel crime? Un crime, parce que si ta famille ne compte plus, il existe au moins une personne qui doit recevoir tes excuses, une personne à qui tu dois demander la permission de partir. Michel, riant d'un mauvais rire à Georges, ah, que je suis bête, j'ai compris. Cette personne a eu du cran à ta présence et elle a cessé d'en avoir en face de Léo. Elle s'est retrouvée d'égal à égal. Elle a fait du charme. Léo, il n'est pas facile de mentir. Michel, je ne croirai plus rien. Georges, et tu auras tort. Yvonne, Yvonne, crois-le, Mick. Georges, te voilà moins incrédule. Ne me torturez pas. Qui parle de te torturer? Non seulement cette jeune femme est innocente, mais elle est admirable. Michel, en quoi, grand Dieu? Georges, c'est à moi de te demander pardon. Hier, notre attitude l'a épouvantée. Elle a cru que jamais elle n'en viendrait à bout. Elle m'a menti et je le sentais et je faisais la sourde oreille. Mick, elle a inventé cette histoire sur place pour te rendre libre, pour nous délivrer d'elle. Si c'était vrai, si c'était vrai ce mensonge-là, je serais une brute de n'avoir cherché aucune preuve, de m'être sauvé, buté. Tu n'as pas été une brute, mon petit. Tu as été comme tous les êtres simples et propres. Tu crois le mal aussi vite que tu crois le bien. Vous me trompez. On craignait que mon départ ne désespère Sophie. Il ne s'agissait pas de Maroc, mon petit Mick. Sois raisonnable. Quand tu as ouvert la porte, ta mère allait chez toi te prendre par le cou, te relever, t'amener. Elle s'en faisait une fête. Mais si c'était vrai, auriez-vous attendu? Sophie m'aurait-elle laissé? Léo, ta mère ne savait pas encore et il nous manquait une preuve. Et puis voilà, je complotais. Je te préparais une surprise. Maman, toi, dis-le. Je te l'ai déjà dit. Mais alors, il faut courir, téléphoner, la rattraper n'importe où. Dieu sait de quoi elle est capable. Elle s'est peut-être sauvée, papa Léo. Vite, vite, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Léo montrant sa porte. Elle est là, Yvonne. Elle est là? Léo, je la tiens enfermée dans ma chambre depuis 5 heures. Michel tomberait d'évanouissement. Les mêmes, plus Madeleine, elle sort de la chambre de Léo avec Léo. Yvonne, Mick, Mick, Mick, il se trouve mal, Georges. Michel, regarde, Madeleine est près de toi. Madeleine aide à soutenir Michel. Léo, il était dans un état de nerfs effroyable. Ce n'est rien, Madeleine, parlez-lui. Madeleine, Michel, Michel, c'est moi. Comment te sens-tu? Michel, il se soulève. Ah, j'ai tourné de l'œil. C'est ridicule, Madeleine. Ma petite fille, je te demande pardon. Il la serre contre lui, Yvonne s'écarte. Madeleine, il faut t'asseoir, viens. Léo, le fauteuil. Elle éloigne le fauteuil de la coiffeuse. Georges, je l'aiderai, Michel. Je n'ai pas besoin que tu m'aides. Je ne compte pas m'évanouir. J'ai envie de sauter, de galoper, de crier. Madeleine, sois calme. Embrasse-moi. Michel, il la pousse dans le fauteuil, s'agenouille près d'elle et lui embrasse les genoux. Pardonne-moi, ma petite fille, ma petite Madeleine. Pardonne-moi. Tu me pardonnes? Madeleine, te pardonner, mon pauvre Michel, chéri. Moi qui t'ai fait tant de mal. Michel, c'est moi qui suis un imbécile, une sale brute. Léo, si j'étais vous, mes enfants, je ne m'expliquerais pas. Je recommençais à zéro. Pendant ce qui précède, Yvonne est restée seule contre le mur, entre la porte du fond et l'angle de la pièce. Elle s'éloigne un peu vers la droite, et pendant ce qui va suivre, elle va lentement vers la salle de bain où elle entre. Georges, debout près du fauteuil de Madeleine, ils forment un groupe à l'extrême gauche. Léo a raison, Michel. Léo est une merveille, Georges. Léo est une merveille, c'est vrai. Madeleine, je n'arrive pas encore à croire que ce qui se passe en réalité. Georges, Yvonne! Yvonne de la salle de bain. Je ne suis pas perdue, je suis là, Je fais ma piqûre, Madeleine. Madame, voulez-vous que je vous aide? Yvonne, merci, merci. J'ai l'habitude d'être seule. Léo, Yvonne ne supporte pas d'être aidée. Elle est maniaque. Madeleine, à la longue, j'arrivais peut-être à la convaincre, Michel. Ce serait une victoire. Léo et Madeleine, Yvonne est très susceptible. Michel était tout à vous, ce qui est normal. Soyez attentifs, mes enfants. Madeleine, justement, je craignais de l'avoir mise en fuite, Georges. Pas le moins du monde, Léo. Ne présente pas Yvonne comme un loup-garou. Léo, je ne présente pas Yvonne comme un loup-garou, mais je préviens Michel dans l'intérêt de la petite. Il ne faut pas rendre Yvonne jalouse. Effraye-la maintenant, Michel. Laisse papa. Madeleine est très intelligente. Madeleine, je n'effraye pas, Michel, mais je crains. Prends des cartes. La porte de la salle de bain s'ouvre. Yvonne, debout dans l'ombre, s'appuie au chambranle. Yvonne, vous voyez, mademoiselle, comment on m'aime. Je ne peux pas sortir une petite seconde sans qu'il se sente perdu. Je n'étais pas perdu, je me soignais. Elle s'avance vers le lit et s'y laisse tomber. Mademoiselle, je suis une vieille dame. Sans l'insuline, je serais morte. Léo bat à Michel. Cours l'embrasser. Michel cherchant à entraîner Madeleine. Viens. Madeleine, elle le pousse. Va. Georges à Yvonne. Tu n'es pas mal. Yvonne, non. Michel lâche Madeleine et s'approche du lit. Sophie, tu es contente? Yvonne, très. Michel veut l'embrasser. Ne me bouscule pas. Mademoiselle, vous avez de la chance si Mick ne vous embrasse pas sur les oreilles et ne vous tire pas les cheveux. Léo frappant dans ses mains. Michel, tu devrais montrer ta fameuse chambre à Madeleine. Madeleine, Michel, tu refuses de montrer ta chambre? Michel, tu vas ranger. Madeleine, oh, Georges, je vous accompagne. Je vous expliquerai ma carabine. Michel, on va lui faire les honneurs de la roulotte. En marche! Il ouvre la porte du fond à gauche et s'efface. Sophie, on te laisse avec la représentante de l'ordre. Léo, empêche maman de dire du mal de nous. Yvonne. Mick. Mick. Arrêtez. Restez. Georges s'élance vers le lit. Et qu'est-ce que tu as, Yvonne? Yvonne retombe en arrière. Yvonne! J'ai peur. Peur de nous? Non, j'ai peur. J'ai une peur atroce. Restez. Restez, Georges. Mick. Mick, j'ai une peur atroce. Léo, ce n'est pas l'insuline, elle a pris autre chose. Léo s'élance vers le cabinet de toilette, y entre et ressort en criant. J'en étais sûr. Léo, qu'est-ce que tu as fait? Yvonne, la tête me tourne, Georges. J'ai fait une folie affreuse, j'ai fait. Michel, Sophie, parle-nous. Yvonne, je ne peux pas, je voudrais. Sauvez-moi, sauvez-moi. Mick, pardonne-moi. Mick, je vous ai vu ensemble là-bas dans le coin. Je me suis dit que je vous gênais, que je dérangeais les autres. Maman! Georges, bon Dieu! Yvonne, j'ai perdu la tête, je voulais mourir, mais je ne veux plus mourir. Je veux vivre avec vous, vous voir heureux. Madeleine, je vous aimerai, je vous le promets, courez, faites quelque chose, je veux vivre, j'ai peur, au secours! Madeleine, ne restez pas ahurie! Georges, Michel, ne perdons pas la tête, cours chez le médecin du dessus, ramène-le de force. Moi, je téléphone au professeur, à la clinique. Madeleine, à Michel, hébété, mais va, va donc! Elle le secoue. Michel se sauve par le fond à droite. On entend claquer une porte et toute la fin d'acte sera accompagnée de portes bruyantes. Léo à Georges. Téléphone, je reste. Georges, il y a de quoi rendre fou. Il sort par le fond à gauche. Madeleine. Son pouls est très faible. Il est égal, mais très faible. Léo. Je sentais quelque chose. Je le sentais. Madeleine, elle s'écarte du lit. C'est ma faute, madame. Ma place n'est pas ici. Je dois partir. Partir? Quittez Michel, madame. Ne soyez pas stupides, restez. Je vous l'ordonne du reste. Michel va avoir besoin de vous. Comme Georges aura besoin de moi. Yvonne. Je t'entends, Léo. Qu'est-ce que tu entends? Je t'ai entendu. Tu as oublié que je pouvais t'entendre. Entendu quoi? Fais l'innocente. On veut se débarrasser de moi. On veut. Yvonne! Je suis empoisonné et je vous en. Poisonnerai, je vous empoisonnerai, Léo. Je vous ai vu là-bas, dans le coin. Je vous ai vu tous. On voulait mettre au rancard. On voulait. Mick, Mick. Léo criant, Georges. Georges, il entre par le fond à gauche. Le professeur est à la campagne. Il envoie un interne. Léo, Georges, Yvonne a le délire. Je n'ai pas le délire, Léo. On voulait m'évincer, me plaquer, me laisser en plan. J'ai compris. Je parlerai. Georges, il embrasse Yvonne sur les lèvres. Du calme. Ah, voilà combien d'années que tu ne m'embrasses plus sur la bouche. Tu m'embrasses pour me fermer la bouche. Georges, là. Yvonne, je vous empoisonnerai. Je vous désoncerai. Je dirai à Mick. Michel, il entre en coup de vent. Personne, on ne répond pas. Yvonne, Michel, écoute-moi. Écoute-moi, Michel. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je veux que tu saches, Léo. Michel, t'as mon mot délire. Retéléphone à la clinique. Ma petite Madeleine, je vous en supplie, aidez-le. Jamais il ne se débrouillera seul. Vite, vite, ne traînez pas. Elle les pousse dehors par la porte du fond à gauche pendant les répliques suivantes. Yvonne, restez. Restez, Je vous l'ordonne. Mick, Mick, on te trompe, on t'écarte. C'est un prétexte. Les misérables, je ne vous laisserai pas profiter de votre sale besogne. Ifron, c'est toi qui as tout manigancé. Tu voulais ma mort, tu voulais rester seul avec Georges. Georges, quelle horreur. Yvonne, oui, quelle horreur. Elle retombe, Georges, pourvu que l'interne arrive. Si Michel prenait une voiture, Léo, ils se croiseront avec l'interne. Mais que faire, que faire? Attendre. Mick. Mick, tu es là? Où es-tu? Georgie est là, il va venir. Je ne serai pas méchante. Je ne voulais pas. Je vous voyais tous dans le coin. J'étais seul, seul au monde. On m'avait oublié. J'ai voulu vous rendre service. Ma tête tourne, Georges. Redasse-moi. Merci. Léo, c'est toi et cette petite. Je l'aimerai. Je veux vivre. Je veux vivre avec vous. Je veux que Mick. Léo, tu verras ton Mick heureux. Reste tranquille. Le médecin arrive. Nous te gardons. Yvonne. C'est vous? C'est encore vous et toi et Georges? Qu'on les arrête! Qu'on m'interroge! Ah ah ah! Ils crèvent de peur! Vous ne me touchez pas! Ne m'approchez pas! Qu'ils viennent! Qu'ils viennent! Qu'ils entrent! Michel! Michel! Au secours! Michel! Michel! Michel! Michel! Michel! Mick! Mick! Mick! Mick! Mick! Elle s'immobilise. Georges est Léo pendant les cris d'Yvonne. Yvonne, je t'en conjure, couche-toi, repose-toi, tu vas te tuer, tu vas te tuer de fatigue. Écoute-moi, écoute-nous, aide-nous. Léo a saisi un des oreillers tombé par terre pendant qu'Yvonne se débat. Elle veut lui soulever la tête, se redresse lentement, laisse tomber l'oreiller et regarde Georges. Georges, c'est impossible. Il se laisse glisser la figure dans les draps et les châles. Michel entre avec Madeleine par le fond. Impossible d'obtenir quoi que ce soit. Je descends, Léo. Inutile, Michel. Fiche-moi la paix, Léo. Michel, ta mère est morte. Quoi? Il reste frappé de stupeur, avance vers le lit, Georges. Mick, mon pauvre Mick. Michel, Sophie. Léo s'est écarté seul jusqu'à l'extrême gauche. Léo, le voilà, votre milieu. Vous donneriez n'importe quoi pour qu'Yvonne soit vivante et pour la torturer après. Michel, dressé vers Léo. Léo! Georges, Michel, tu oublies que je suis ta mère. Michel frappant du pied. Il n'y a pas de mère. Sophie est une camarade. Il s'élance vers le lit. Maman, dis-leur, ne m'as-tu pas répété 1000 fois? Madeleine, qui est restée clouée par ce spectacle. Michel, tu es fou. Michel, que? J'avais oublié. J'oublierai toujours. Il s'effondre contre le lit. Jamais. Je ne comprendrai. Jamais. On sonne dans le vestibule. Léo traverse la scène et sort par le fond à droite. Madeleine met sa tête contre celle de Mick. Madeleine, Michel. Michel. Mon chéri, Léo, elle rentre. C'était la femme de ménage. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien à faire ici, que tout était en ordre. Rideau.